boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Why you gotta kill the moon? You're making it so hard for me to like you, like you. You gotta feel your own cup. Now's not the time to give up on us. Our champagne toast is short-lived. It's a headache when you can't replace it. So tell me something I didn't know. You're happier on your own. Who needs puppy love when it's fall grown? Painting red on a heart you don't own. Oh. Why you gotta kill the moon? You're making it so hard for me to like you. Why you gotta show those truths? You're making it so hard for me to trust you. And every time you walk into the room, dark clouds follow you. It's true, yeah. Why you gotta kill the moon? You're making it so hard for me to like you. You gotta feel your own cup. Ride along and make your own luck. Rest in peace, that piece of me holds out for sympathy. You know I'm not a stepping stone for someone you wanna get to know. Don't fit in, I'm custom made to drive me away. It's such a shame, shame. Why you gotta kill the moon? You're making it so hard for me to like you, like you. Why you gotta show those truths? You're making it so hard for me to trust you. And every time you walk into the room, dark clouds follow you. It's true, yeah. Why you gotta kill the moon? You're making it so hard for me to like you. Why you gotta kill the moon? You're making this a hard for me to like you. Yulmiatics, les pseudo-punks britanniques pour commencer notre pop and rock sur RVR. Il y a quelques semaines, j'avais affirmé que Yulmiatics écrivait surtout de la musique peu audible et que seul leur titre Nice to Me valait la peine. Mais bon, je dois bien avouer que j'aime bien aussi Kill the Mood qu'on vient d'écouter. Mais Nice to Me, c'est encore mieux. Allez, je vous l'envoie pour un petit cadeau de début d'émission. Living in 17h et 18h, on se retrouve dans Pop & Rock sur Radio Val-de-Rhin. Le groupe de label Ellie Russell, Smile, morceau énergique qui donne un bel aperçu de ce petit groupe grand breton qui est aussi capable de belles fulgurances comme dans le morceau Feeling Myself qu'on envoie tout de suite. Doesn't matter. Et ouais, dans Pop'n'Rock, on vous propose plein de groupes à écouter et à découvrir. Alors n'oubliez pas la page Facebook de Pop'n'Rock, les petits enfants du rock. Vous y retrouverez tous les groupes que nous passons et vous pourrez alors aller gratter et chercher dans leurs albums. C'est ce que j'ai fait pour le groupe suivant, West End Motel. Man des West End Motel qui me fait bien planer, comme le second titre qu'on écoute, Oh, I'm on my way, West End Motel, des barbus loin de ceux de Roald Dahl. West End Motel, ça pue le fin fond de l'Amérique et pourtant, ces barbus yankees me font un bien fou. Par contre, Tinia, que nous écoutons de temps en temps dans Pop'n'Rock, je n'en sais pas beaucoup sur eux, si ce n'est que j'adore leur titre I Feel Fine. Septième morceau du soir, I Feel Fine de Tinia. Yeah. dans Pop & Rock sur la très locale Radio Val-de-Rhin. Bah ça c'était pas prévu, mais ce soir je crois bien que je double chaque artiste, alors on poursuit, et après la doublette de Tinia, si on fonçait dans du classique Future Oldies But Goldies, on enchaîne donc deux titres du barbu chauve, ex-leader de Youth Curfew, Bob Mould. Those who could be leaders, I joined in rolling. Voire grand-père du rock grunge, vous avez plus de chances de le voir tout seul avec sa guitare sur scène au fin fond de l'Allemagne plutôt qu'à la télé américaine, mais franchement, son dernier album sorti en 2020 fracasse tout. Allez, on enchaîne avec The Warlocks. We'll be right back. Décidément, ce soir, les États-Unis sont à la fête. Ce doit être pour célébrer à notre façon la déchéance du gros blond à la mèche sauvage, sans pour autant espérer mieux du septuagénaire qui doit se considérer aujourd'hui comme l'homme le plus influent du monde. Mais trêve de parlotte peu consensuelle, repartons pour un second titre avec les Américains de Warlocks. Sur la très locale Radio Val-de-Rhin, on aime bien les vieilleries, les oldies but goldies, comme ils disent. Alors ce soir, ce sont deux titres des Doors qui vont tenir ce rôle. Tout d'abord Ghost Song, suivi de The End. Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. Music and voices are all around us. Choose, they croon, the ancient one.

and all the children are insane. All the children are insane. Allez, Lords qui t'arrive bientôt, retrouvons un dernier duo américain que j'ai découvert il y a peu, mais qui franchement vaut de faire un gros détour musical. On écoute les filles Stitcher et Kinney. We'll be right back. En général, on siffle les faux départs, mais ce soir, c'est l'arrivée de Pop & Rock qui devrait être sifflée, puisqu'à ma grande surprise, il nous reste le temps de vous offrir un dernier titre. Alors ce sera Everlast avec son fameux, son fabuleux, son faramineux What It's Like. Sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même à même endroit. Bis à tous. Lobs all he replied. God forbid you ever had to walk a mile in his shoes. Saying you really might know.